aujourd'hui on va garder. C'est chier aujourd'hui, hein. Allez, danser. Soubo. Allez, so mouton, so mouton, so mouton. Salut, c'est Stéphane de Saran et j'écoute Didier Henco sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. C'est toujours Didier Henco. Eu tenho 16h44, Didier & Co, Radio Arc-en-Ciel 96.2. What is it?